Chapitre 2e. Nous venons d'assister au spectacle dans le grand stand, c'est-à-dire la tribune centrale. Maintenant, plongeons-nous dans la fournaise. Le derby courut en une minute, que dis-je, en une seconde. La piste est envahie et les chaînes franchies. C'est comme un flot qui monte, c'est effrayant. Mais la vague vient s'arrêter à la grille de fer de l'enceinte du pesage et instantanément, les plus bizarres et les plus étranges groupes se forment. De cette houle humaine se détachent des créatures étranges. Bohémiennes, jaunies aux cheveux luisants, gypsies curieusement accoutrées qu'on croirait échapper des cavernes de l'Albessin de Grenade. Ici, une chanteuse, tout de blanc vêtue, couronnée de roses, accompagnée d'une mère extraordinaire, avec une robe vert chou, des rubans jaunes soufre et un chapeau comme on en voit dans Gavarni, glapit une romance en s'accompagnant sur la guitare. Un industriel, à la voix rauque, installe une petite table portative, dresse au centre une longue perche et ordonne à des souris blanches de grimper jusqu'en haut. Là, c'est un hibou contrit, plus loin, un singe qu'on montre aux parieurs. Les nègres fautins par bandes, les Irlandais en goguette, groupent autour d'eux la foule et se font une place dans ce monde mouvant. Tout cela est calme, pacifique, gai et bienveillant. Quelques haillons hideux, à faire rêver Callot, coudoient les élégants par-dessus de toiles de soie, des swells au bouquet à la boutonnière. Mais, pour sortir de l'enceinte réservée et se répandre sur la pelouse, il faut franchir une pente étroite qui donne sur la piste et recevoir des mains du garde-barrière un signe qui vous fera reconnaître. Là commence l'aventure. La piste envahie, les enclos du betting room déversent les spectateurs sur le même point. Cela devient terrible et dramatique. 20 fois, sous ce flot qui déferle, on risque d'être brisé contre les robustes barreaux de fer qui ferment les enclos. Enfin, on se laisse aller dans la vague et silencieusement, sans cri, sans dispute, sans protestation, effroyablement pressé, poitrine contre poitrine, on vient échouer sur la pelouse où tout d'abord il faut circuler habilement entre les milliers de voitures formant bordure tout autour de la piste. Là, l'entrée coûte une guinée. Plus loin, une chaîne de fer divise encore la pelouse en plusieurs parties. Le piéton peut passer partout, mais les chevaux, parqués suivant le rang et la fortune des maîtres, ne peuvent franchir cette nouvelle enceinte qu'en payant 2 guinées, 52 francs. C'est là le spectacle, c'est là la vie du derby. L'étranger se fraye un chemin dans ce monde de voitures qui, de loin, vu du stand, semblait si compact qu'on y pouvait circuler. Que de tableaux ! Fritz, qui a peint le derby, n'a pas vu cela. Il faut l'œil d'un artiste plus ému, plus ingénieux. C'est là le Hill. Ces bouquets de femmes en robe claire, aux chignons jaunes, rouges, au teint coloré par le champagne, ces clubs tout entiers, ces régiments d'officiers réunis voiture par voiture, tous groupés sur le haut des dragues. Cette orgie de couleurs, ces oppositions étonnantes, ces combinaisons inattendues vous écrasent. L'émotion artistique est trop forte. On ne peut plus, on ne veut plus admirer. Ce n'est pas en vain qu'on a bourré les voitures de paniers de comestibles et transporté des caves entières. L'heure du luncheon est passée, mais sur le hill, elle dure encore. C'est d'un aspect bachique sans doute, mais cependant nous sommes en bon lieu, et les hommes sont tous gentlemen. Dans un coin, discret, sérieux, difficile à émouvoir, de bons Anglais convaincus sont attablés comme chez eux, servis régulièrement, classiquement, par des laquais qui se tiennent debout sur les marchepieds des voitures, tandis que les 3 sièges du dessus sont transformés en dressoirs, où brillent, à côté des jambons et des pâtés, les belles pièces d'argenterie. Nous allons de l'un à l'autre, très intéressés, très sérieux, jouissant de tout, observant et notant au passage. Une voix nous appelle. Le capitaine W, des dragons du roi, nous fait signe. Nous tombons dans un escadron d'aimables officiers. On se présente, il faut monter à son tour sur l'un des dragues et prendre sa part du luncheon éternel. L'accueil est distingué, cordial, aimable et de bon goût. Tout cela est déjà bien vivant, bien grouillant, mais ce n'est pas encore ce que nous cherchons. Il nous faut le fond, la lie. Ce que nous venons de voir n'est qu'un côté, le côté aimable et gai, le charme et l'admiration. S'il y a, comme on nous l'a dit, un côté orgiaque, il faut le sentir et le comprendre. Nous sommes bien neufs, et notre œil est bien désintéressé de ces scènes-là. Elles le frapperont, si elles existent. Sur la droite du hill, la droite du plateau de la colline, s'élève la foire en plein vent. Les baladins, les jeux irlandais, les phénomènes, les femmes géantes, les animaux féroces, les photographies et les industries innommées. À la suite, les unes des autres, pendant un demi-mille, se dressent des tentes carrées sous lesquelles on a placé de longues tables, pour les 100 000 piétons qui ne se fournissent pas chez Fort Nomad Mason. Partout on boit, partout on rit, on chante. Les chevaux de bois classiques, mus par la vapeur ou remplacés par des vélocipèdes qui décrivent toujours le même cercle, donnent à ce côté-là le cachet forain. Rien n'est limité, rien n'est officiel, chacun s'est placé là comme il l'a voulu sans doute, de sorte qu'au beau milieu du passage, sur une large étendue, on joue à abattre avec un bâton des bouteilles suspendues à des cordes à 30 pas de distance du joueur. Les bâtons volant par-dessus la frêle toile qui sert de fond tombent Dieu sait où. Il faudrait comprendre. Je ne puis que voir, et c'est si grand, si varié. Que de roues, que de caractères, que de types. Les poings sur la hanche, des gypsies de taille énorme, avec des mèches noires huileuses qui tombent sur leurs joues tannées, traînent par la main des enfants noirs comme des nègres. Elles exercent volontiers sur ce champ-là l'industrie du jeu de Aunt Sally, la tante Sarah. Des cavaliers passent au milieu de ces foules qui grouillent. À chaque pas, des bandes de faux nègres musiciens, des marchands de voiles verts, des négociants en petites poupées destinées à être fixées au chapeau, des marchands de tubes et de pois secs qu'au retour on jettera au nez des gens, vous sollicitent et vous étourdissent. De temps en temps, un individu costumé en paillasse grotesque, avec des lunettes, un faux nez en pâte de homard et un col énorme en papier blanc, vous frise le visage en faisant la roue, la tête en bas et marchant sur les mains. J'aperçois bien, par-ci par-là, quelques gens émus, quelque ivrogne surpris par la bière ou le gin, mais ce n'est pas le caractère général. Je descends encore au-dessous. J'assiste derrière les baraques au mystère des coulisses, des phénomènes et des montreurs de serpents. Des vieilles fantastiques, qu'on prendrait pour des tziganes ou des voleuses d'enfants, font bouillir des choses ténébreuses dans des marmites suspendues à 3 tiges de fer et ôtent gravement leurs pipes de leur bouche pour souffler le feu. Des enfants à moitié nus, sales comme la misère et beaux comme le jour, jouent, empilés les uns sur les autres. Je descends la côte, je longe les écuries du derby, les hôtels en plein vent, et entre deux haies de planches, des horizons admirables, de grandes prairies solitaires, des tapis diaprés de fleurs, de grands arbres séculaires avec de beaux lointains bleuâtres, reposent les yeux. Il est 5h30, il faut 2 heures pour regagner Londres. Il s'agit de retrouver dans ce matériel prodigieux, dans ce camp gigantesque, le simple Hansom qui vous a amené. Notre cocher, poli comme un gentleman, un brave garçon alerte, est étendu sur l'herbe consciencieusement, sobrement, à l'endroit même où nous l'avons laissé. En un tour de main, le cheval est attelé, des boys madrés et agiles, qui pour toute mise de fond ont acheté une brosse douteuse, et se sont ainsi créé une industrie pour ce grand jour, essuient avec insistance la poussière qui nous couvre de la tête aux pieds. Nous distribuons à droite et à gauche les 6 pence de rigueur, et par l'une des grandes routes qui aboutissent à Epsom, nous nous engageons sur la route qui mène à Londres. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, on prépare leur tour. Nous choisissons la grande route, celle où se pressera la plus grande foule et qui devra nous offrir le spectacle le plus caractéristique. D'abord, des deux côtés du chemin, sur les banquettes d'herbe, sous les arbres, à l'abri des haies, une interminable file de charrettes sont encore dételées. Puis, tout ce petit monde, qui est venu là avec un poney et 4 planches clouées ensemble. Le grand jour n'est pas encore à son déclin. C'est comme un campement de bohémiens ou une foire des loges. Les familles assises en rond sur l'herbe mangent, boivent, se reposent et nous sourient au passage. Nous dévorons l'espace. Ces chevaux des câbles les plus vulgaires ont du sang et le prouvent. Ce sont des villages sympathiques, aux maisons basses, où toutes les portes, les terrasses, les fenêtres et les toits sont combles. À de certains croisements de route, sous les arbres énormes, des masses d'enfants, assis sur les barrières, nous acclament. De graves clergymen, des vieillards paisibles, à l'entrée de leur joli petit jardin riant et coquet, sont assis entourés de toute leur famille. Aux appuis des balcons, de jolies filles de service, proprettes, limpides, sourient à la dérobée. À ces scènes paisibles succèdent les acclamations des bourgs populeux, où tous les voisins des environs se sont donné rendez-vous. Puis, bientôt, aux larges et nobles terrasses des grandes propriétés, des essaims de belles jeunes filles, sous l'aile maternelle, forment comme un salon en plein air, où l'on a convié les amis qui n'ont pas voulu aller jusqu'à Epsom et qui sont venus jouir commodément de ce défilé colossal. La route est curieuse, plus bruyante qu'au départ, à cause de l'excitation de la journée et des libations inévitables. Un grand nombre d'hommes, à la face sérieuse, armé de petits tubes de fer blanc, la bouche pleine de pois secs, vise les passants ou par poignée jette ses boulettes de voiture à voiture. Selon la largeur de la route, les fils se forment ou se déforment. De temps à autre, aux endroits resserrés, apparaît à cheval le policeman providentiel qui, d'un geste, rappelle à l'ordre ceux qui tenteraient de couper les fils. Mais quel ordre étonnant! Comment ces 30 000 voitures ne se heurtent-elles pas? Comment, sur un parcours de 8 lieues, toujours aussi tumultueux, aussi pressé, ne comptons-nous pas plus de 3 ou 4 petites carrioles qui gisent dans le fossé, le ventre en l'air, les roues brisées? Le retour est plus rapide et plus compact que le départ. La haie, sur notre passage, est aussi plus épaisse. Sur les bas-côtés de la route, les piétons, par milliers, gens de bonne volonté, à la bourse légère, regagnent gaillardement Londres à pied. Pendant 8 lieues, pas un instant la foule ne se lasse, et la concurrence ne devient pas moins grande. Quand on approche de la grande cité, les propriétés charmantes offrent le plus étonnant coup d'œil. C'est toujours le même spectacle, la même allégresse, la même bonne humeur. Des corbeilles de jolies femmes, des grappes de beaux enfants blonds apparaissent au-dessus des haies vertes qui ferment les jardins, et ce sont, au passage, des éclats de rire argentins, des bonjours mutins, des baisers qui volent, des fleurs qu'on se jette et qu'on reçoit. Les tableaux se succèdent, toujours les mêmes et toujours nouveaux. À la porte même de Londres, dans de grandes prairies, la foule semble si compacte qu'elle était au champ de course. Au mouvement d'une ville immense, unique, s'ajoute l'exceptionnel mouvement de la grande fête nationale. Les quartiers populeux sont aussi paisibles que les squares et les crescents aristocratiques. Pas une invective, pas un regard d'envie, pas une manifestation douteuse. C'est grand, c'est large, c'est sain et fort. On ne peint point les 1000 épisodes de ce prodigieux retour du derby. Par-ci, par-là, les incidents sont plus ou moins gracieux. Il y a tel ou tel groupe, telle ou telle silhouette qui se grave mieux dans la mémoire, telle combinaison de couleurs qui sourit plus aux yeux. Mais c'est trop varié, trop nombreux, pour qu'on essaie de caractériser chaque chose. L'entrée dans les faubourgs est inouïe. Le million d'âmes qui est resté dans Londres vient à la rencontre du million d'âmes qui y revient. À mesure qu'on arrive dans les quartiers élégants, le spectacle change. Toute cette suite de beaux hôtels qui longent le parc d'un gros Vernor a tendu ses fenêtres et décoré ses terrasses qui forment absolument des corbeilles ou des bouquets de femmes. Même dans Londres, au cœur de la ville, la douce ivresse qui animait les jolies filles des villages s'est communiquée aux blondes ladies, aux pairesses, qui ne prennent du derby que le retour. Tout le livre d'or de Londres est là, sur ces balcons accouplés qui se succèdent depuis Buckingham Road jusqu'à Hyde Park, et sur les dragues élégants, traînés par des chevaux puissants et magnifiques, qui portent légèrement leurs 16 lieues franchies au galop, les élégants, vêtus de par-dessus clair, la lorgnette en bandoulière, saluent galamment et jettent un mot au passage. Il est 8 heures. Londres, 5 minutes après nous, a su le nom du vainqueur. Le télégraphe annonçait son nom au monde entier. Gibraltar l'a connu à 3h25 et le signal du départ était donné à 3h15. Malte le savait à 3h31. Alexandrie à la même heure. Suez à 3h32. Aden à 3h33. Bombay, Kurachi et Calcutta à 3h35. Des sommes prodigieuses se sont déplacées. Depuis le club le plus aristocratique jusqu'au plus humble des foyers, tout le monde a engagé une somme plus ou moins forte. Dans les universités, dans les collèges, dans les bureaux de la cité, des poules se sont organisées. Les enfants eux-mêmes, avec un sérieux qui nous déconcerte, ont attendu fiévreusement la dépêche annonçant le nom du vainqueur et ont placé leurs économies sur un cheval. Personne n'est resté indifférent. Seuls quelques Anglais cosmopolites qui voient dans le derby une expansion des appétits grossiers d'une certaine classe affectent du mépris pour cette fête nationale, prétendent que l'usage va se perdant chaque jour et cherchent à détourner les étrangers de ce curieux spectacle. De toutes les grandes manifestations populaires, de toutes les scènes de mœurs dont les différents pays d'Europe sont encore le théâtre, mais dont cependant l'habitude va s'effaçant chaque jour davantage, le derby reste certainement la plus énorme et la plus vivante, celle qui atteste la plus grande vitalité et développe la plus puissante mise en scène. L'impression la plus profonde et le souvenir le plus saillant qui résulte de ce spectacle, c'est l'admiration que ressent l'étranger en constatant l'ordre parfait qui règne et le respect de la loi à tous les degrés de l'échelle sociale. La loi, symbolisé au milieu de cette prodigieuse cohue par un humble fonctionnaire qui, d'un seul geste, apaise les orages encore plus parce qu'il représente la loi que parce qu'il dispose de la répression. Sans doute, le côté orgiaque apparaît, la plaie se devine. Que deviennent aux jours ordinaires ce monde de bohémiens, d'industriels douteux, de mendiants sinistres? Où se cache cette cour des miracles sortie tout à coup de repères que l'étranger ne soupçonne point? Mais il y a là, cependant, quelque chose de grand, et c'est un imposant spectacle. L'étranger, qui allait chercher un plaisir pour les yeux, reçoit un enseignement austère, celui que donne l'exemple flagrant de la première vertu d'un peuple, celle qui fait les grandes nations et assure l'avenir des grandes sociétés, le respect de la loi. Ainsi s'achève le Derby d'Epsom par Charles Hiriart.